Qui suis-je pour être celui qui qu'un peuple conduit vers la mort, vers son sort? Qui suis-je pour être celui qui un jour combattre quoi ou qui sans renfort? Au dehors des frontières, au dehors de la haine, chasser ceux qui font peur, qui défient la lumière. Mais j'ai le choix, combattre l'invincible d'une armée invisible et entrer dans l'histoire. Oui, j'ai le choix. S'il faut que je me batte, je couperai de ma main la tête de Goliath, parce que rien n'est impossible. Qui suis-je pour être celui qui doit faire se finir la terreur pour le meilleur? Qui suis-je pour être celui qui devra faire preuve de courage et d'honneur et devenir un roi pour un monde plus libre? Je serai celui-là, je serai le roi David. Mais j'ai le choix, combattre l'invincible, une armée invisible et entrer dans l'histoire. Oui, et j'ai le choix. S'il faut que je me batte, je couperai de ma main la tête de Goliath, parce que rien n'est impossible. S'il faut que je me batte, je couperai de ma main la tête de Goliath, parce que rien n'est impossible. Trop bien ta chanson, ça pourrait faire un tube. Merci Dolly, et toi aussi Flip, t'es finalement très courageux toi aussi. Mais pourquoi tu fais cette grimace Flip? Et c'est parce que vous marchez sur ma patte depuis le début de la chanson. Oh, pardon. Eh bien, tu vois que tu as du courage. Bonne route, les amis. Et n'oubliez pas le courage. Il est cool, ce mec. Faudrait juste qu'il change de look. Parce que monsieur juge les gens sur leur look, maintenant? J'ai pas dit ça. C'est toi qui as dit que sa chanson pouvait devenir un tube. Mais pour devenir une star, faudrait qu'il change de look. Bon, bah je vois que le niveau est descendu d'un cran. T'étais déjà à zéro, maintenant t'es à moins un. Dolly! C'est qui encore, celle-là? Eh, du calme, Flip. C'est maman. Oui, maman. Tu descends? Ton goûter est prêt? Oui, j'arrive, maman. Je finis mes maths et j'arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, maman, d'habitude, elle frappe pas comme ça à la porte. Elle rentre direct. Elle vient me faire un petit bisou pour me dire qu'elle m'aime et qu'elle m'a préparé mon goûter préféré. Et? Je le sens pas, là. Ah! Il doit y avoir une fuite d'eau au grenier. Il y a de l'eau qui coule sur les murs. Mais il n'y a pas d'eau au grenier. Il n'y a rien au grenier. Mais ça n'arrête pas de couler. Maman, c'est toi qui es là? Je suis une maman, oui, mais je ne suis pas la tienne. Arrêtez, madame, vous nous faites peur. Hé, hey, l'eau monte, Dolly. Viens, on va s'accrocher à l'étagère. Qu'est-ce que vous nous voulez, madame? Ne craignez rien, j'ai juste quelque chose à faire et à vous dire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est ça. Qui vous voulez et où en êtes-vous? Enfin, non, je veux dire... Je suis Jochébed, la mère de Moïse. Le Moïse des 10 commandements? Oui. Pharaon, le roi d'Égypte, a décidé de supprimer tous les nouveaux-nés de mon peuple. Il est devenu fou et moi, je veux sauver mon fils. Mais votre fils est dans ce panier? Oui, et pour le sauver, je vais le déposer sur une rive du Nil. Quelqu'un le trouvera, le sauvera et l'aimera comme je l'aime. Et c'est pour ça que la chambre est remplie d'eau. Vous savez de la suite dans les idées, vous. Mais si vous posez le panier ici, le petit n'ira pas plus loin que le placard. Regardez, je dépose le panier sur cette eau. La force du livre et le pouvoir de la clé de la vie vont porter Moïse vers son grand destin. Je dois me séparer de toi, Moïse. Je n'ai pas d'autre solution pour sauver ta vie. Mon amour te portera là où la vie te sourira. Je sens en toi une grâce divine. Tu feras de grandes choses pour notre peuple. Je t'aime, Moïse. Va et deviens un homme, mon fils.